wild search for wealth untold. They dig for silver and for gold, and they leave the empty holes. They dance out in the Everglades, where the backwater rolls and the sawgrass waves. The eagles fly and the otters play in the land of the Seminole. Blow, blow, Seminole wind, blow like you're never gonna blow again. Calling to you like a long lost friend, 'cause I know who you are. Blow, blow from Okeechobee, way up to Micanopy. Blow across the home of the Seminole, the alligator and the bar. Its toll, and in the name of flood control, they made their plans and they drained the land. Now the blades are going dry. Last time I walked in the swamp, I sat down on a cypress stump. Listened close and I heard the ghost of a seagull cry. Oh, oh, Seminole wind, you're never gonna blow again. Calling to you like a long lost friend, I know who you are. Blow, blow from Okeechobee, way up to Micanopy. Blow across the home of the Seminole, the alligator and the bar. Retour sur Chaîne Inter, il est 18h24, comme je l'ai annoncé au début, nous vivons au cœur de l'événement de la 14e édition du Festival International de Film de Marrakech depuis son ouverture le 5 décembre. Donc il y a aujourd'hui un spécial cérémonie de clôture de cette édition en direct de la ville Ocre avec notre ami Hicham Malzar qu'on retrouve tout de suite. Hicham, bonsoir. Bonsoir Hanan, merci en tout cas pour cette belle présentation, effectivement, comme tu l'as dit, et surtout, désolé de piétiner un petit peu sur ta tranche. Exceptionnellement, c'est avec un grand plaisir, Hicham. En tout cas, je te remercie, et bien sûr, on te retrouve tout à l'heure, juste avant le point sur l'actualité, Hanan et Tami, bien sûr, comme elle a annoncé, c'est ce soir que s'achève cette 14e édition du Festival International du Film de Marrakech. Bien sûr, cette année, encore une fois, cette année, cette manifestation qui affirme encore plus le rayonnement du Maroc et reste attaché à toutes ces rubriques. Bien sûr, on rappelle les ciné-écoles, concours des courts-métrages, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, les masterclass donnés par les grands noms du cinéma, les films hors compétition, les films coup de cœur, et cette année, il y a eu 3 films marocains coup de cœur, et bien sûr, la grosse compétition. On rappelle quand même que cette année, il y a le film L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Mouftakir, qui est en compétition. On croise les doigts, bien sûr, pour Mohamed Mouftakir, et bien sûr, ses acteurs, dont Younes Migri et Mounef et j'en passe. En tout cas, on rappelle quand même que cette année, une 15aine de films encore une fois étaient en lice. Une édition devant un jury présidé par la comédienne française Isabelle Huppert. Une sélection qui comprend 8 réalisateurs quand même qui sont à leur premier film et puis d'autres qui sont à leur second film. Les membres du jury, rappelons-le, avec leur présidente Isabelle Huppert, seront les seuls juges à départager tous ces films et on ne peut que leur faire confiance, bien sûr. Hein. On a quand même une belle brochette de cinéastes. Il s'agit du réalisateur, scénariste et producteur indien Ritesh Batra. On retrouve aussi, membre de jury, Susan Beer, qui est réalisatrice et scénariste. Et bien sûr, hein, elle est productrice, elle nous vient du Danemark. Bertrand Bonello, réalisateur aussi français. Mélanie Laurent, la comédienne, actrice et réalisatrice française aussi. Mario Martone, qui est réalisateur, scénariste, metteur en scène. Il nous vient d'Italie. Et Christian, bien sûr, Mondio, qui nous vient de la Roumanie. Alan Rickman, comédien et réalisateur du Royaume-Uni. Moumen Smihi, bien sûr, dont on est fier, qui fait partie du jury. Il est réalisateur, scénariste, auteur marocain. En tout cas, les membres du jury donc, sont tous des hommes. Ils sont tous des réalisateurs ou comédiens. Et bien sûr, ils sont chapeautés par l'actrice Isabelle Huppert, qui n'a pas manqué d'ailleurs d'évoquer sa joie de présider cette édition. À travers, bien sûr, cette édition, on rappelle que cette année, 22 nationalités sont représentées. On rappelle aussi que 87 films ont été projetés. Et bien sûr, je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour vous faire vivre l'ambiance de cette cérémonie de clôture qui va démarrer dans quelques instants. D'ailleurs, du beau monde actuellement sur le tapis rouge. Vous imaginez un petit peu l'ambiance ici, hein, donc au Palais des Congrès de Marrakech. À titre d'information, si vous avez la TNT et que vous n'avez pas la chance d'être à Marrakech, bon, en tout cas, vous pouvez voir la cérémonie en direct sur la TNT et bien sûr le bouquet de la SNRT. On rappelle aussi qu'on va revenir d'ici 20h sur les moments forts de cette 14e édition en vous faisant vivre l'ambiance qui se passe actuellement au Palais des Congrès. Actuellement, donc, il y a l'entrée des stars, il y a l'entrée des artistes, il y a l'entrée des professionnels du cinéma. Et bien sûr, nous, on attend le démarrage de cette cérémonie que vous allez vivre sur les ondes de chaîne Inter. On rappelle que cette 14e édition avait démarré sur les chapeaux de roue vendredi dernier en rendant hommage. Il y a pas mal d'hommages qui ont été rendus cette année, bien sûr, à l'acteur et réalisateur Viggo Mortensen. Et bien sûr, le premier soir, on a rendu hommage à un acteur que tout le monde connaît, que tout le monde adore ici au Maroc. Il s'agit de l'acteur égyptien Adil Imam. Adil Imam, bien sûr, on a rencontré les Marrakchis. Fatem Zahra Yassine est allé à la rencontre des Marrakchis pour avoir leurs impressions sur les films de Adil Imam et sur Adil Imam lui-même. On écoute les impressions. الواحد الفيلم ديال عادل امام كان زوين بزاف فيه الضحك فيه كوميدي المهم عجبني بزاف الصور مزيان عجبني بزاف الديكور ديالو الممثلين زوينين يسرى وعادل امام الفيلم كان زوين بزاف توقعت انه يكون كوميدي بزاف ولكن هو كيدور على محامي اللي دخل لعالم السياسه يعني كنقول ما بقاش غادي في الطريق ديال العداله المهم باش يحقق ارباح ماديه والى اخره قصة ذكية شوية صراحة بارابور الوقت فاش دار الفيلم زوين ديجا شفنا الفيلم تاع عادل امام او فريمون جي با ديجا فيو هاد الفيلم ولكن صراحة كان واحد الفيلم زوين سيرتو لو كوميديا عادل امام هو ديجا واحد لو كوميديا معروف مو جي ديجا ايمي لو فيلم بالنسبة لي تكنيك زعما نورمال بحال تو لي فيلم ايجيبسيان اللي ديجا كانوا كيدوزو تاع عادل امام كان زوين رائع عجبنا حيت الكوميديا عادل امام فيلم زوين بزاف ما عمرنا ديجا شفناه جيسبيغ يكون عندي لو طون باش نجي نتفرج لي فيلم اللي كاينين كلهم حيت فريمون زوينين المهم عجبنا فيلم كيهضر على قصة بعدا ديالو على محاماة ديال الرشوة، يقدروا ينجحوا الواحد يقدروا يخرجوا برا أو خا يكون هو ماشي باري. كيهضر على واحد الواقع ديال مهنة ديال المحاماة. الفيلم ديال عادل إمام عجبني بزاف بالنسبة للممثلين وعلى يعني الإخراج ولا كل شيء كان يعني زوين. Voilà, en tout cas, les Marocains ont toujours craqué pour Adil Imam, ce n'est pas nouveau. On rappelle quand même que cette 14e édition a rendu hommage à deux grands noms du cinéma, donc en plus de Adil Imam, hein, Viggo Mortensen, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, et Jeremy Irons, qu'on n'a plus besoin de présenter. Vous aurez le plaisir tout à l'heure d'écouter et découvrir les impressions de monsieur Jeremy Irons. Petite autre information quand même qui n'est pas des moindres. Cette année, le festival s'est doté d'un nouveau portail web. On s'adapte quand même à la génération 2.0, une plateforme repensée, accessible à partir de tous les supports, ordinateurs, mobiles, tablettes. Et voilà, donc on a aussi pas mal de contenu qui a été revu, qui a été restructuré, on va dire. Il y a quand même des articles, il y a l'histoire du festival, il y a la programmation, l'actualité, il y a l'histoire du cinéma marocain aussi présente sur le nouveau site du festival de Marrakech. En tout cas, ce site se veut une véritable plateforme de la promotion surtout de la ville de Marrakech, fournit pas mal d'informations utiles et variées pour les touristes étrangers qui souhaitent quand même visiter la ville ocre. festivalmarrakech.com. N'oubliez pas de tapoter tout ça sur Google et faire une petite visite de ce site. Et je rappelle que cette année, exceptionnellement, c'est pour la première fois d'ailleurs, et c'est à titre expérimental, le Festival International du Film de Marrakech a organisé une sorte de jeu concours surprise qui a été lancé mercredi dernier. Le concept, tout simplement, c'était de proposer à l'organisation du festival une affiche comme les affiches de films de cinéma. Et donc une jeune qui a gagné, elle est présente sur Marrakech, on l'a rencontrée et vous aurez le plaisir tout à l'heure de découvrir l'interview que nous a accordée Kenza, donc la gagnante de ce jeu concours. On va se faire une petite pause quand même assez méritée et on va revenir dans quelques instants pour découvrir les impressions de celui à qui on a rendu hommage, Mr. Jeremy Irons. En tout cas, merci de rester avec nous sur chaîne Inter. Nous sommes en direct de la ville de Marrakech et un grand big up à l'équipe, bien sûr, qui m'accompagne cet après-midi, ou plutôt ce soir, pour la cérémonie d'auction. Mr. Mounaim El Gounouni, un coucou spécial à Moutaki, qui est au studio 3 sur la ville de Rabat. C'est lui qui dirige le tout et c'est lui notre capitaine de bord, Mr. El Moutaki. Et bien sûr, on va tout de suite se faire une petite pause. Milo, She Might sur chaîne Inter. Excellente soirée à tous et on se retrouve dans quelques instants. Possibly. Then again, she couldn't be. One, two, she knows kung fu. Three, four, kicked in my door. Five, six, I can't believe it. What a mess I'm in. She might shake up. We'll be right back. Ça swing, c'est ça le générique, bien sûr, hein, festival de Marrakech quand vous vivez sur les ondes de chaîne Inter. Et je rappelle que cet après-midi, ou plutôt ce soir, c'est la cérémonie de clôture qui est prévue dans quelques instants. Je vous rassure, hein, vous pouvez, si vous avez bien sûr la TNT chez vous, assister et surtout, hein, donc vivre cette ambiance de la cérémonie de clôture du festival en direct sur votre petit écran. Il suffit bien sûr d'aller sur les chaînes du bouquet de la SNRT. Sinon, si vous êtes sur la route, que vous n'avez pas la TNT, bah heureusement, chez l'intérêt là pour vous faire vivre cette ambiance. D'ailleurs, on a l'ambiance du tapis rouge. Mr Mounim qui vient bien sûr d'éternuer. C'est le rhume, c'est le froid, c'est Marrakech et c'est ça le festival. On a pas mal de cris et des fans qui attendent bien sûr les stars qui défilent devant eux. Nous avons bien sûr la délégation japonaise qui est présente ce soir, parce qu'on le rappelle quand même que cette année, l'hommage du festival a été consacré au cinéma japonais. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un cinéma quand même qui date quand même du début du cinéma, c'est-à-dire juste après 1895. C'était vraiment vers les années 1900-1901, au début de ce 20e siècle. En tout cas, une ambiance sur le tapis rouge, si on peut monter le son, que je mette mon casque, c'est un Mounim, voilà, donc c'est sur le tapis rouge. Il y a de la bonne ambiance sur le tapis rouge. Voilà. Ouais, c'est pas de la bonne musique sur le tapis rouge, franchement. Hein. Nous, on a la chance d'être devant, mais pas dedans. Mais en tout cas, on vous fait vivre tout ça sur les ondes de chaîne Inter. Là, on a bien sûr Mounim Tito qui est en train de faire la petite pause devant les photographes. C'est normal, donc on est sur son 31. Les stylistes, les designers, tout le monde veut habiller les stars, tout le monde veut se faire sa propre publicité avec les acteurs et les actrices. C'est normal, c'est le festival et on a de quoi être fier de ce film de Marrakech. En tout cas, je parlais tout à l'heure des hommages rendus cette année par le festival et je rappelle que Jeremy Irons a été bien sûr honoré cette édition. Jeremy Irons qui, je le rappelle bien sûr, est quelqu'un qui a démarré la carrière cinématographique quand même assez tard, à l'âge de 32 ans, puisqu'on rappelle que c'est quelqu'un qui nous vient du théâtre, et du théâtre anglais, très très british, so british. On rappelle quand même qu'il a été récompensé par les Oscars, hein, donc au moins une fois, Mr. Jeremy Irons, et pas mal d'autres festivals l'ont récompensé. La toute simple question que nous lui avons posée à Jeremy Irons, avec tous ces personnages, avec beaucoup d'émotions, tous ces personnages assez forts qu'il interprète et qu'il incarne, comment s'arrange-t-il pour se mettre dans la peau de ces personnages? Est-ce que difficile ou pas du tout? On écoute les impressions de Jeremy Irons. Je suis seulement un comédien dans une industrie. Oui, je suis sur un grand écran, mais moi, je suis normal, ça change rien. Et je crois que c'est nécessaire quand on joue des gens du monde, on doit être un genre normal, un genre qui a les sentiments des hommes dans le monde. Et pourquoi je serais différent? Je ne comprends pas. Parce que mon voiture est plus grand, c'est seulement parce que j'ai pas de responsabilité de arrive sur l'heure. Donc il me donne une grande voiture et tout ça pour mes amis. Mais moi, je suis normal, simple, j'espère. Pour moi, c'est toujours difficile découvrir le base du caractère. Mais c'est un voyage très intéressant pour moi. Mal ou bon, nous avons tout dans l'intérieur, le bon, le mal. Et c'est toujours un voyage intéressant pour moi. Ça, j'adore ça, cette voyage. J'adore ça. Il adore ça, il le dit si bien, Jeremy Irons, qui a été honoré par ce festival, honoré par cette 14e édition du Festival International du Film de Marrakech. On va se faire une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. En attendant le démarrage de cette cérémonie que vous allez vivre sur Chaîne Inter, on retrouve Hanan Haitami au studio de Rabat. Hanan, rebonsoir à toi, Hanan. Rebonsoir, Hicham. Effectivement, dans quelques instants, dans trois petites minutes, la prière d'Al-Maghrib, bien, te retrouve juste après pour la suite de la cérémonie de clôture de cette 14e édition du Festival International du Film de Marrakech. سيدتي وسادتي، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت الرباط، السلام جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إلا الله. نودي لصلاة العشاء حسب توقيت الرباط السلام وما جورهما. Soirée à tous et bienvenue sur Chaîne Inter. Il est 18h50. On retrouve tout de suite notre ami Hicham Lazrak pour la suite de la cérémonie de clôture de cette édition, la 14e édition du Festival international du film de Marrakech. Hicham, à toi l'antenne. Merci Hanan, rebonsoir à toi. Bien sûr Hanan, ça va être du va-et-vient hein, entre Marrakech et Rabat ce soir, parce que je rappelle qu'il y a le retour de l'info prévu dans 7 minutes exactement, plutôt 8 minutes hein. Là, il va falloir être fort en maths. En tout cas, je rappelle que cette année le festival a rendu hommage au cinéma japonais. On rappelle quand même qu'il y avait une importante délégation présente au festival cette année, qui était présidée par l'une des figures du renouveau du cinéma japonais, le cinéaste Hirokazu Kore-eda, auteur d'une riche filmographie qui lui a valu quand même des récompenses à travers le monde entier. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'en 2013, le Festival de Marrakech avait rendu hommage justement à ce réalisateur japonais. Il est également producteur, il n'hésite pas à s'investir dans la production des jeunes talents. Et je rappelle quand même qu'une délégation qui comporte des réalisateurs de genres variés, la nouvelle génération et l'ancienne génération, à l'image bien sûr de Kiyoshi Kurosawa, qui n'est autre que le fils de Akira Kurosawa, en tout cas l'un des plus célèbres cinéastes de la nouvelle vague japonaise. Et aussi bien sûr, hein, il y a pas mal de films qui ont été projetés. On rappelle quand même que c'est une rétrospective de plus de 26 films qui a été proposée au public marrakechi lors de ce festival de Marrakech. La soirée de l'hommage était programmée mardi dernier et j'ai envie de vous laisser écouter les impressions de la présidente du jury de cette année au festival, Isabelle Huppert, qui s'exprime sur le cinéma japonais. Bonsoir. Quelle magnifique idée de rendre hommage au cinéma japonais et à ses cinéastes ce soir. Alors, parler du cinéma japonais est une gageure, tant il est riche, fondamental, peut-être parmi les plus grands cinémas du monde. L'hommage rendu cette année tient au temps de l'histoire du cinéma japonais à travers 27 films exceptionnels projetés, que le festival a appelé les maîtres du pays du soleil levant, que des disciples, ceux d'aujourd'hui, qui seront sur scène dans quelques instants. L'appareil critique du cinéma reconnaît principalement quatre grands maîtres de la mise en scène. Yasujirō Ozu, dont l'esthétique propre rompt avec celle traditionnelle, construite sur la lenteur du rythme, alors que lui impose dans des plans courts un rythme rapide et un point de vue unique. Depuis Ghost de Tokyo, son premier film muet, il racontera toujours la beauté de la simplicité à travers l'unicité de son propos. Ville, famille, humain, parents, enfants. Kenji Mizoguchi fera de la beauté sa préoccupation centrale. La beauté immédiate de l'image cache un temps la réalité cruelle qui réapparaît toujours pour surprendre le spectateur. Mikio Naruse, étonnant de modernité dans ses portraits de femmes et ses récits commentant la détresse dans de longs plans séquences. Et bien sûr, Akira Kurosawa, qui sans doute propulsa à la face du monde le cinéma japonais lorsqu'il reçut un lion d'or à Venise pour Rashomon, mais aussi un lion d'argent pour les sept samouraïs, un ours d'argent à Berlin pour la forteresse cachée, deux Oscars pour Dersu Ozawa et Dodes Kaden, et un Oscar d'honneur jusqu'à la Palme d'or du Festival de Cannes pour Kagemusha. Il me faudrait évidemment parler aussi de Nakisa Oshima, qui de l'Empire des Sens à Max Mon Amour, en passant par Merry Christmas, Mr. Lawrence, n'a cessé de sonder le tréfonds des entrailles humaines. Enfin, dans le club très fermé des cinéastes qui ont eu deux palmes d'or, se profile bien sûr Shoei Imamura avec La Ballade de Narayama et L'Anguille, mais aussi son dernier film, De l'eau tiède sous un pont rouge, démontrant une étonnante vitalité qui aurait pu gagner une troisième palme d'or. Ses pères fondateurs et tous les grands dont je n'ai pas parlé ont permis que leur grammaire enfante tous les genres littéraires sous une forme cinématographique où la mise en scène reste le plus beau des pinceaux. Ils sont à Marrakech, sur scène ou à l'écran. Hayao Miyazaki ou Mamoru Oshii, qui ont réinventé la poésie animée. Takeshi Kitano, qui fait entrer l'aléatoire dans chaque respiration. Naomi Kawase, qui dessine sur la peau les rêves et les espoirs, mais aussi la fulgurante beauté de l'éternité des émotions. Et bien sûr, ceux qui vont recevoir cet hommage, Kiyoshi Kurosawa, qui partage le talent de son homonyme, Nakata, qui utilise la peur comme moteur d'une énergie nouvelle, et enfin, mais vous le savez, puisque le festival lui a rendu hommage l'an passé, Kore-eda Hirokazu, qui préside cette délégation. De même que Mozart n'est pas un musicien, mais la musique, le Japon n'est pas un pays de cinéma, mais le cinéma. Et ben voilà qui est super bien dit, une très très belle chute de la part de la présidente du jury de cette année au Festival International du Film de Marrakech, c'était Isabelle Huppert qui s'exprimait sur le cinéma japonais. Je rappelle quand même que cette édition a rendu hommage mardi dernier au cinéma japonais, le cinéma du pays du soleil levant. En tout cas, je rappelle que nous sommes toujours en direct de la ville de Marrakech, la cérémonie d'ouverture, plutôt de clôture, pardon, de ce festival ne va pas tarder à démarrer. Ça nous laisse le temps de retrouver Hanan et Tammy au studio de Rabat. Hanan, à toi l'antenne et on se retrouve tout à l'heure. Tout à fait, Hicham. Donc, dans 4 minutes, nous allons retrouver nos amis de la rédaction pour les titres de la dernière édition complète de cette soirée. Et on te retrouve juste après pour la suite de cet événement. Dites-moi, était-ce hier? Était-ce il y a longtemps, ces nuits vagabondes où moi levé dans ses bras, j'écoutais tout bas des magiciens sur les ondes. On voulait refaire le monde, déplacer des montagnes, peignant comme on dit toute une ville en rouge. Mais quand la nuit s'éloigne, je savais bien que rien ne bouge. Si fort contre son corps, sur la banquette avant de la dessous tôt, j'oubliais déjà ce que j'ignorais encore. Cheveux au vent, on roulait les cheveux au vent. On était si jeunes, on était beaux. Cheveux au vent. Les années ont passé, on n'a jamais dépassé la moindre frontière, ce qu'on s'était promis. T'es perdu comme moi, j'ai perdu tellement d'amis. Et il y avait tant de routes, on les a essayées toutes. Et c'est comme ça que parfois on perd son chemin. Si souvent la main qui pouvait nous secourir sans doute. C'est vrai que j'écoute toujours des airs de là-bas, mais blotti bien sûr dans d'autres bras, sur les sièges arrière de limousine, oubliant toujours ce que j'ignore encore. Je veux souvent juste un peu moins qu'avant. Cheveux au vent. Toutes ces dérives sont si loin de moi, tellement loin de lui aussi bientôt. Cheveux au vent, je garde toujours les cheveux au vent. Il faut courir les ponts rouges. Cheveux au vent, oh, il faut qu'on rêve et qu'on roule. Cheveux au vent, cheveux. Sur Chaîne Inter, les titres de la dernière édition complète de la soirée avec Ahmed Cheikh Atef. Bonsoir Ahmed Cheikh Atef. Bonsoir Hanan. Madame, Monsieur, bonsoir. Des ministres de plus de 20 pays africains et la FAO en conclave à Marrakech pour approfondir la coopération Sud-Sud et pour réaliser la sécurité alimentaire du continent. La 20e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques approuve à Lima la candidature du Maroc à l'organisation de la COP 22 prévue en 2016. Clôture ce soir à Marrakech de la 14e édition du Festival international du film, une édition très réussie, affirme le vice-président de la fondation du festival. La Russie menace de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis à la suite d'un vote du Congrès autorisant la livraison d'armes à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Les chefs de la diplomatie des deux pays se rencontrent demain à Rome. Les développements de ces titres tout à l'heure à 19h30. Merci Ahmed Cheikh Atif et à tout à l'heure. À 5 minutes, vous êtes à l'écoute de Chaîne Inter. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Hicham Zraq pour la suite de la cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival international du film de Marrakech. Mais bien avant cela, je tends un coup d'œil sur le temps qu'il fera demain, Inch'Allah. Le temps sera passagèrement nuageux dans la matinée du dimanche 14 décembre 2014 avec risque de petites ondées éparses près des côtes atlantiques nord. À Averses parfois orageuses et quelques chutes de grêle probables par endroits sur les plaines et les côtes atlantiques nord et centre, l'ouest de la rive méditerranéenne, le Rif, le Seis et les reliefs de l'Atlas. Le temps sera peu à passagèrement nuageux ailleurs et il y aura quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas. Côté Mercure, les températures minimales varieront entre moins 2 et 3 degrés sur les reliefs, le sud de l'Oriental et les hauts plateaux, entre 3 et 8 degrés sur le sud-est et les régions intérieures, entre 8 et 12 degrés sur les côtes nord et le centre, et entre 10 et 18 degrés sur le sud. Voilà pour les nouvelles du ciel. Donc, si vous êtes sur la route, surtout, soyez vigilants plus que d'habitude. Et avant de sortir, couvrez-vous très bien. Il est 19h06. Excellente soirée à tous. Here we go, lost in lessons. Sometimes I mess up my intentions. I get lost. The cost was losing everything I'd known. Laying here, staring at the ceiling. Sometimes still dealing with the feelings. If we're been, what I've done, I'm so far out there on my own. So quick to point the finger, to find the one to blame. So hard to realize I kept getting in my own way. Take them all. Till now I was barely breathing, but you gave me something to believe in. We're writing history, life's made up of small victories. We could go round in circles and never get to here. So good to realize that we have nothing left to fear. To blame, so hard to realize I kept getting in my own way. I never thought that I was that strong to carry on. Excellente soirée à tous et bienvenue sur Chaîne Inter. Il est 19h10, direction à présent la ville Ocre, Marrakech, pour retrouver notre ami Hicham Al-Zarq pour la suite de cette cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival International du Film de Marrakech. Hicham, à toi à l'antenne. Merci Hanan, merci encore une fois de te retrouver. C'est la fin de la semaine, hein. Tout le monde a du mal à articuler en tout cas ce soir. En tout cas, on va la retrouver Hanan tout à l'heure. Il est 19h passé de quasiment 12 petites minutes. Nous sommes toujours en direct de la ville de Marrakech. Et pour information, ne soyez pas jaloux parce qu'il pleut à fond, il pleut des cordes sur la ville de Marrakech actuellement. Et la cérémonie de clôture ne va pas tarder à démarrer. Ça va être imminent, ça va être dans quelques instants puisque le défilé sur le tapis rouge vient de s'achever. On rappelle quand même les moments forts de cette année. Le festival qui rend hommage, bien sûr, au cinéma du soleil levant, le cinéma nippon, le cinéma japonais a été honoré cette année au festival. On rappelle que ce festival est toujours fidèle à ses fameuses rubriques, les masterclass qui ont été bien sûr animées par de grands noms du cinéma au niveau international. Il y a eu quand même des films projetés hors compétition. Il y a eu quand même des avant-premières ici au festival de Marrakech. Et bien sûr, n'oublions pas les coups de cœur. Et les coups de cœur, il y en a eu quand même 3 films marocains coups de cœur sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Mais bien sûr, il faut absolument parler du film en compétition cette année, le film marocain réalisé par Mohamed Mouftakir. Il s'agit bien sûr de L'Orchestre des Aveugles. Un film bien sûr qui met à l'affiche pas mal, une belle brochette d'artistes dont Younes Megri, Mounef Tou, Fahd Benchemsi et j'en passe. En tout cas, un film pour lequel on croise les doigts parce qu'il se murmure que cette année, ça pourrait être justement ce film marocain qui va décrocher l'étoile. En tout cas, on vous tiendra au courant parce que ça va démarrer dans quelques instants. En tout cas, le film marocain L'Orchestre des Aveugles a été projeté mercredi dernier à 11h du matin, ici même au Palais des Congrès. Fatem Zahra Yassine, bien sûr, a chopé le public à chaud juste après la projection. On écoute leurs impressions. Très beau. Ah, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment le Maroc profond d'il y a longtemps, il y a 50 ans, hein, je crois. Il m'a beaucoup plu. Alors, et cet enfant. Le film est incroyablement beau, très poétique. Le gamin, il est envoûtant. Tous les personnages. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. C'était un très, très beau film. Ouais. C'était une belle description de la société marocaine après la colonisation. J'ai trouvé que les acteurs étaient excellents et j'ai bien aimé le thème. Je le trouve remarquable. C'est vraiment du pur cinéma. J'ai trop aimé. Le film, j'ai aimé. Très beau, c'est bien réalisé et intéressant. Ouais. Eh ben voilà, en tout cas, on croise les doigts pour ce film, L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Mouftakir, bien sûr, qui est en compétition cette année. La cérémonie ne va pas tarder à démarrer. Vous allez la vivre en direct sur les ondes de Chaîne Inter et on vous tiendra au courant. Bien sûr, on vous donnera le palmarès complet de cette 14e édition. Je rappelle quand même, et je reviens sur les coups de cœur hein, marocains cette année au festival, on retrouve quand même Karien Bollywood, le premier long métrage de Yassine Fnan. Et croyez-moi, donc, ça, c'est un film dont la sortie est prévue au premier trimestre 2015 et qui va cartonner au niveau, bien sûr, du public. On rappelle qu'un autre coup de cœur était programmé, Paris Pimenté de Mohamed Karat. Bien sûr, on retrouve Asma Khmelichi, Rabih Khaté et pas mal d'autres acteurs. Et bien sûr, hein, on rappelle quand même qu'il y a un autre coup de cœur cette année au Festival de Marrakech. En tout cas, 3 films coup de cœur, 1 film en compétition. On a de quoi être fier de notre cinéma marocain qui commence à se faire sa petite place et commence à s'imposer. On rappelle aussi que ce festival n'oublie personne. Il n'oublie pas les jeunes réalisateur puisqu'il y a la compétition ciné-école avec bien sûr à la clé 300 000 dirhams pour le gagnant qui va bien sûr réussir à produire un autre court-métrage. Et le gagnant est originaire de Rabat. On aura le plaisir d'avoir la petite visite de ce gagnant tout à l'heure juste avant 20h parce qu'actuellement il est au Palais des Congrès. On rappelle aussi que ce festival n'oublie pas les professions, les métiers du cinéma et surtout le métier de producteur puisque cette année encore une fois le festival a honoré 2 grands producteurs marocains. On y reviendra tout à l'heure. Il s'agit des producteurs Zakaria Alaoui et Khadija Alami. Ça va être tout à l'heure, bien sûr, au programme de ce spécial clôture du Festival de Marrakech. On va se permettre une petite pause et on va écouter celle qui nous plonge justement dans l'ambiance hollywoodienne des années 40 et 50. Elle s'appelle Caro Emerald, The Other Woman. C'est sur Chaîne Inter. À tout de suite. Little girl, Toujours en direct de la ville de Marrakech. Marrakech où la pluie bat sont pleins, tout simplement. Il pleut des cordes ici sur la ville de Marrakech et la cérémonie de clôture ici au Palais des Congrès ne va pas tarder à démarrer. Nous avons parlé du film en compétition, le film marocain en compétition cette année de Mohamed Mouftakir, bien sûr. Il s'agit de l'Orchestre des Aveugles où, à l'affiche, on retrouve Younes Megri et Mounaftou. Et Mounaftou a quelque chose, justement, à nous annoncer, a quelque chose à démentir concernant ce festival et concernant cette 14e édition, puisque nous avons eu quand même quelques petites informations concernant Mounaftou, comme quoi elle n'était pas super contente par rapport à ce festival. Bah, croyez-moi, ce n'est pas du tout le cas. Mounaftou est une habituée de ce festival et elle a choisi de démentir cette information sur les ondes de Chaîne Inter. On la remercie et on écoute Mounaftou. Alors, merci de me permettre encore une fois de parler de ce festival, parce que moi j'ai assisté à presque toutes les éditions, c'est la 14e. J'en ai pas fait deux, je pense, parce que j'avais des tournages. Et là, je vois avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de bonheur comment le festival a évolué au niveau de l'organisation, à tout point de vue, au niveau de la sélection des films, au niveau des rencontres avec des personnes très importantes, avec des réalisateurs, avec des professionnels, au niveau de tout ce qu'il y a. Franchement, moi, je suis très fière de ce festival qui a atteint un certain degré aussi de maturité et qui est considéré aujourd'hui parmi les meilleurs festivals qu'on connaît du monde, Cannes, Berlin, etc. Et c'est une occasion aussi pour démentir des choses dites à mon sujet. Bien sûr, des déclarations fausses. J'ai entendu dire que Mounaftou aurait dit dans une radio qu'elle n'était pas contente, qu'elle n'était pas satisfaite du festival. Je démentis ça, c'est pas du tout vrai. Je n'ai jamais dit ça, au contraire. Moi, je trouve que le festival est très très bien organisé et moi personnellement je suis traitée comme une reine. Et donc malheureusement, il y a des journalistes au Maroc qui ne sont pas dignes de ce nom, qui ne sont pas du tout professionnels et qui racontent des choses et qui les collent à des personnes qui n'en ont jamais, qui ne les ont jamais dites. Donc malheureusement c'est triste, mais ces journalistes-là, ils devraient revoir un petit peu leur métier. Eh ben voilà qui est, franchement dit par Mounaftou, bon entendeur, salut. Et j'espère que le message est reçu 5 sur 5. Au contraire, Mounaftou a été et toujours fidèle de ce festival. Ce festival qui s'achève ce soir même. Et justement, la cérémonie démarre tout de suite avec Laurent Vell et Fairouz Karawani. Vous le vivez en direct sur Chaîne Inter. On vous laisse l'ambiance du Palais des Congrès. والذي يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. Vous venez de voir un aperçu des temps forts de ce festival, mais le moment le plus attendu de la semaine, nous allons le vivre ensemble maintenant, quand la présidente du jury de la compétition, Isabelle Huppert, révélera son palmarès. لقد وفي هذا الأسبوع السينمائي بجميع وعوده كان الجمهور الكبير دائما في الموعد أكثر من 100,000 متفرج داخل القاعات و50,000 متفرج بساحة جمال فنا وليلة البارحة كانت لحظات مليئة بالمشاعر الجميلة حينما سلم عبد الرحمن سيساكو جائزة سينما المدارس لعصام دخو عن شريطه القصير دالتو الذي سيعرض بعد فيلم الاختتام. En effet, Fairouz, et l'émotion était vive aussi pour les hommages que nous avons rendus cette semaine, souvenez-vous. Mais avant de remettre tous les prix de ce soir, parcourons en images les 15 films de la compétition. On les regarde ensemble maintenant. Eh ben voilà, les films en compétition, on rappelle quand même qu'il y a eu 15 films en compétition et on rappelle encore une fois que cette année, un film marocain est en compétition, c'est celui de Mohamed Mouftakir, l'orchestre bien sûr des aveugles. On va en profiter le temps que la bande-annonce des 15 films passe actuellement au Palais des Congrès pour revenir sur l'hommage qui a été rendu aux producteurs marocains Khadija Alami et Zakaria Alaoui bien sûr, hein, on a vu son nom apparaître sur plus de 80 film étranger, dont Gladiator de Ridley Scott, Syriana de Steven Gagan et pas mal d'autres films. En tout cas, il est honoré cette année, Zakaria Alaoui, par le festival. On écoute ses impressions. تجاه قطاع الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب أساساً يعتبر تصوير المشاريع الأجنبية بالمغرب إيجابياً بالنظر لأهميته الاقتصادية على مستوى جلب العملة الصعبة، خلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد في المناطق التي تحتضنه، بالإضافة إلى التعريف بالمغرب والتأكيد على استقراره وانفتاحه على الثقافات الأجنبية. وبالنسبة لي شخصيا، يحلو لي أن أؤكد على أهميته الحيوية في تكوين الأطر واليد العاملة المتخصصة ومساهمته بذلك في النهوض بسينما الوطنية. منذ وقت جد قريب كان هناك انعدام تام لمدارس التكوين في المجال السينمائي في المغرب، ومحليا ظل الإنتاج الأجنبي المدرسة الفعلية الوحيدة التي تمكن من صقل المواهب الوطنية وتكوينها في مختلف شعب الصناعة السينمائية. ومنذ وقت جد قريب أيضا كان منتجو ومخرجو الأشرطة الوطنية يعانون من نقص الأطر واليد العاملة المختصة في بعض المناصب، ويضطرون إن سمحت لهم الظروف المادية إلى المنادات على تقنيين أجانب لسد الفراغ الحاصل، وقد كان ذلك يشكل عبئا ثقيلا على ميزانيات الأشرطة الوطنية التي تعاني أصلا من قلة الموارد. اليوم أصبحت السينما الوطنية تتوفر على اكتفاء شبه ذاتي في العامل البشري، ويمكن القول أن التكوين المستمر الذي حصل عليه جيل من التقنيين العاملين في قطاع التصوير الأجنبي قد ساهم إلى حد كبير في الرفع من مستوى السينما الوطنية. أكثر من ذلك، أصبح المغرب مصدراً لبعض الكفاءات التي تكونت محلياً تشارك الآن في تصوير الأشرطة الأجنبية خارج أرض الوطن. وأذكر هنا على سبيل المثال للحصر مساهمة تقنيين مغاربة في فيلم جلادياتر للمخرج العالمي ريدلي سكوت في مالطا، وفيلم The Hurt Locker للمخرجة كاثرين بيغلو، بالإضافة إلى فيلم World War Z. وقد عمل المغرب جديا ملكا وحكومة بمساهمة السلطات المدنية والعسكرية على تبسيط المساطير الإدارية وتقديم كافة تسهيلات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المجال السينمائي. وأغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر والولاء لراعي الفن والفنانين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله، ولرئيس مؤسسة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. أهدي هذا التكريم لروح والدتي تغمده الله برحمته والتي توفيت خلال هذه السنة، كما أهديه إلى عائلتي الصغيرة أبنائي أنيس ومروان، وإلى أسرتي الكبيرة من السينمائيين الذين رافقوني خلال هذا المشوار الطويل، دون أن أنسى زملائي في بداية الرحلة ومدرائي السابقين في المركز السينمائي المغربي. وفي الأخير أود توجيه تحية قصيرة باللغة الإنجليزية إلى المنتجة العالمية دونيز أوديل، والتي كان لها فضل كبير في ولوج عالم الاحتراف السينمائي. Et ben voilà, ça c'était les quelques mots adressés par Zakaria Alaoui, ce producteur qui a été bien sûr honoré par le festival. Et bien sûr, il n'est pas le seul puisque Khadija Alami aussi a été honoré. Et on va y revenir dans quelques instants après les bandes annonces des 15 films en compétition qui ont été projetés au Palais des Congrès. Ben, le jury est présent avec la présidente du jury, Isabelle Huppert, qui se dirige vers le pupitre pour donner un petit mot à l'audience. On écoute Isabelle Huppert. حاولت أن أتعلم لغتكم من المرات الأخرى، vous avez compris? Alors j'ai réussi. Je remercie Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Nous voilà de retour. Durant ces quelques jours, assis dans cette salle, nous avons effectué des voyages extraordinaires, des voyages assez incroyables, parfois très loin, pas toujours de tout repos, pas vraiment des voyages d'agrément, mais toujours passionnant. Ces voyages, nous les avons partagés aussi avec vous, avec le public marocain, très nombreux, jour après jour, durant toutes ces projections. J'ai eu le plaisir d'avoir été accueillie si chaleureusement par ce même public sur la place Djemel Al-Afna pour la présentation de la Ritournelle. Quel enthousiasme, quel accueil. Ça a été un moment inoubliable pour moi. L'amour du cinéma est si fort ici, au Maroc. Je tiens d'ailleurs à remercier et à signaler l'implication du festival et de ses organisateurs à travers le secteur cinécole qui encourage l'émergence de nouveaux talents ici, au Maroc. Le cinéma est une fenêtre sur le monde. Et le monde, durant toutes ces journées, dans cette salle obscure, nous a donné de ses nouvelles. Parfois bonnes, souvent mauvaises, mais le cinéma a ce pouvoir de transformer en émotion, en évasion, en réflexion, les réalités qu'il choisit de raconter. Les films, ce sont des signes qui sont émis, comme des petits clignotants qui nous éclairent dans l'obscurité de la salle du cinéma. À charge pour nous de les déchiffrer au mieux. En tout cas, je crois que moi et tous mes camarades membres du jury avec lesquels j'ai partagé cette expérience, nous les avons reçus pleinement. Tous les membres du jury que je veux remercier ici pour la générosité et la qualité des discussions que nous avons eues. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était Isabelle Huppert, la présidente du jury de la compétition de cette 14e édition du Festival de Marrakech, qui s'exprimait bien sûr pour clôturer en beauté cette édition. Nous allons devoir rendre l'antenne et revenir au studio de Rabat pour retrouver Hanane Tami. Et je remercie Chéra Atef d'avoir patienté pour le journal de 19h30 qui va avoir quelques minutes de retard. Mais le festival, c'est exceptionnel. Et on ne va pas s'en vouloir. Hanan, oui, retour à toi. On se retrouve dans quelques instants. Tout à fait. Hicham, il est 19h33. Donc je vous laisse avec Ahmed Chéra Atef pour le journal de 19h30. Rebonsoir Chéra Atef. Rebonsoir Hanan. Au sommaire de cette édition, des ministres de plus de 20 pays africains et de la FAO en conclave à Marrakech pour approfondir la coopération sud-sud et pour réaliser la sécurité alimentaire du continent. La 20e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques approuve à Lima la candidature du Maroc à l'organisation de la COP22 prévue en 2016. Clôture ce soir à Marrakech. Nous venons d'en voir un petit aperçu donc de la 14e édition du Festival international du film. Une édition très réussie, affirme le vice-président de la fondation du festival. La Russie menace de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis à la suite d'un vote du Congrès autorisant la livraison d'armes à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Les chefs de la diplomatie des deux pays se rencontrent demain à Rome. Madame, Monsieur, bonsoir. Des ministres et responsables du secteur agricole de plus de 20 pays africains et des responsables de la FAO se sont réunis aujourd'hui à Marrakech pour échanger sur les pistes innovantes de la coopération sud-sud dans le domaine de l'agriculture et sur les moyens d'atteindre l'objectif stratégique de la sécurité alimentaire du continent. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette première conférence internationale sur la coopération sud-sud, organisée par le ministère de l'Agriculture et la FAO, mettra l'accent sur la petite agriculture ou l'agriculture familiale qui constitue l'essentiel des activités agricoles sur le continent. Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le ministre de l'Agriculture, Aïssa Khannouch, a affirmé l'engagement du Maroc en faveur de la coopération sud-sud et la disposition du Royaume à apporter son expertise dans le domaine agricole en faveur des pays africains. Sa Majesté le Roi accorde un intérêt particulier à la coopération sud-sud. Et lors de la dernière tournée du souverain en Afrique, une dizaine de conventions de partenariat ont été conclues, rien que dans le domaine agricole, encore précisé Aziz Akhnouch. Le ministre délégué chargé de la fonction publique a appelé aujourd'hui à la nécessité de coordonner les efforts, mais aussi de mener une réflexion approfondie de laquelle découleront des propositions scientifiques à même de promouvoir la qualité des services publics. Mohamed Moubdi a s'exprimé à l'ouverture du troisième conclave des secrétaires généraux des différents ministères sur la stratégie de modernisation de l'administration publique. Il a indiqué que cette réunion sera dédiée notamment à l'examen d'un plan d'action mis en place pour la réforme administrative. Les propos de Mohamed Moubdi, ministre chargé de la fonction publique, il est au micro de Hassan Karzazi. C'est une réunion qui s'inscrit dans le cadre de contacts et de prises d'interface et d'interaction et d'échanges sur un plan d'action que nous avons mis en place pour la réforme administrative qui concerne essentiellement trois volets. La capitalisation du patrimoine humain, de la relation entre l'entreprise, le citoyen et l'administration et enfin la gouvernance. Cette réunion avec les secrétaires généraux de tous les départements s'inscrit dans ce cadre-là d'échanges. D'abord de faire le point sur toutes les actions entreprises jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de mettre en place un autre segment de ce plan d'action-là qui vise à continuer sur une lancée de réformes. Les secrétaires généraux en tant qu'acteurs, ils sont complémentaires avec les contacts que nous avons eus avec les ministres. C'est un calendrier. On se réunit avec tous les ministres ou chaque ministre chaque semaine parce que chaque département a ses préoccupations intrinsèques, a ses particularités. Donc, on échange quels sont les dossiers en souffrance dont on le liquide et on les tranche autour d'une table. Et aussi, c'est un effet complémentaire avec les forums que nous avons eus dans le cadre de tournées régionales que nous avons entreprises jusqu'à aujourd'hui et qui a concerné pratiquement une dizaine de régions. C'est une approche très louable, il est apprécié et par M. le ministre et par le secrétaire généraux. Et ces réformes s'inscrivent dans toutes les réformes et les chantiers de réformes que connaît le Maroc dans un contexte d'émancipation, d'ouverture, pointage qui sont attribués aujourd'hui au Maroc de la part de plusieurs instances internationales. Et ça nous met effectivement au diapason des pays émergents. Et tant mieux pour notre pays. C'était Mohamed Moubdi, ministre chargé de la fonction publique. L'Assemblée générale de la 20e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique a approuvé hier à Lima, au Pérou, la candidature du Maroc à l'organisation de la COP 22 prévue en 2016. S'exprimant devant cette Assemblée générale, la ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakim Al-Hayat, a souligné que Lima est la COP des négociations, Paris est celle des décisions, ajoutant que la COP 22 prévue au Maroc sera la conférence de l'action. Le Polisario a essuyé ce samedi à Genève un énième camouflet devant le Conseil de l'Internationale socialiste qui a sèchement opposé une fin de non-recevoir à une demande d'adhésion à part entière émanant des séparatistes. Cette demande de statut de membre a été rejetée sans hésitation par le comité d'éthique de l'Internationale socialiste, mettant fin aux manœuvres des séparatistes et de leur commanditaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a souhaité aujourd'hui qu'une enquête rapide et transparente soit menée sur la mort du ministre palestinien Ziad Abu Aïn mercredi dernier dans des heurts avec des soldats israéliens dans une déclaration au ton très modéré. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait enjoint mercredi dernier Israël à mener une enquête rapide et transparente sur les circonstances de la mort brutale du ministre palestinien. Le gouvernement palestinien a parlé de meurtre et tient Israël pour entièrement responsable. Un haut responsable de l'ONU est arrivé aujourd'hui à Damas pour discuter dans le détail avec les responsables syriens du plan visant à instaurer un gel de combat à Alep entre forces du régime et insurgés. Les discussions s'annoncent toutefois complexes en raison des positions éloignées entre le régime et les insurgés. La Russie a menacé aujourd'hui de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis après l'adoption d'une loi autorisant la livraison d'armes létales à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Dans ce contexte, une rencontre est prévue demain entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov. Le vote au Congrès américain constitue un premier pas très symbolique pour l'Ukraine qui cherche depuis des mois à convaincre ses alliés de lui livrer des armes pour ses soldats largement largement sous-équipé face aux rebelles soutenus militairement selon Kiev et les Occidentaux par la Russie. Ce vote ne signifie pas pour autant que le président américain se résoudra à livrer de telles armes aux forces ukrainiennes. Retour à l'actualité d'intérêt national, la 14e édition du Festival international du film de Marrakech qui est en train de se terminer ce soir, s'est tenue dans des conditions d'organisation remarquables, ceux qui ont fait une belle réussite. C'est ce qu'a affirmé Nourdine Sahil, vice-président délégué de la fondation du festival. Dans un entretien accordé à la MAP avant la clôture, Sahil s'est aussi félicité de la programmation de cette édition de la compétition officielle avec un jury de qualité. Sur les temps forts de cette édition, Sahil a retenu l'hommage cette année pour le Japon, invité d'honneur et dont le choix était très judicieux, a-t-il dit. Mais aussi les hommages personnels rendus à trois grands acteurs, le Britannique Jeremy Irons, l'Américain Viggo Mortensen et l'Égyptien Adil Imam. De l'art au sport, le football, Coupe du Monde des clubs Maroc 2014, le club néo-zélandais d'Auckland City FC a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs de football. L'équipe de Nouvelle-Zélande a battu aujourd'hui à Rabat l'ensemble, ou l'entente plutôt sportive de Sétif d'Algérie par 1-0. Le club algérien est éliminé en quart de finale après une première participation pour une place en finale. Auckland City devra écarter en demi-finale mercredi prochain au Grand Stade de Marrakech, le club argentin de San Lorenzo. Prévision météorologique pour ce soir et la journée de demain, temps passagèrement nuageux avec risque de petites ondées éparses sur le Tangérois et le Loukous. Les précisions de Hossein Youlabd de la Météo Nationale. La situation météorologique va être caractérisée par quelques ondées faibles qui vont intéresser la nuit suivante les régions de Tangérois, d'Orif occidental et Loukous, probablement les côtes nord de Rabat. La journée, à partir de la journée de samedi, une nouvelle perturbation va intéresser notre pays avec des pluies qui vont intéresser toutes les côtes atlantiques nord et centre et même les régions intérieures du pays, les régions du Méditerranéen, le Rif, le Seyf et le relief de l'Atlas du Haut et Moyen Atlas. Il y aura aussi des chutes de neige sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas au-delà de 1000 mètres. Sur les autres régions, donc c'est généralement l'extrême sud de subir, ça va être un peu à passagement nuageux. La journée du dimanche, il y a encore des pluies qui vont intéresser toute la majeure partie nord et centre du pays, qui vont même intéresser le nord-est de notre pays avec des chutes de neige sur les reliefs de l'Atlas, surtout l'Europe Atlas et le Moyen Atlas, avec une baisse assez sensible des températures toute la journée du dimanche. Voilà donc pour les prévisions météo pour ce soir et pour la journée de demain. Dimanche, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel des principaux titres. Des ministres de plus de 20 pays africains et la FAO ont conclave à Marrakech pour approfondir la coopération sud-sud et pour réaliser la sécurité alimentaire du continent. La 20e conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques approuve à Lima la candidature du Maroc à l'organisation de la COP22 prévue en 2016. Clôture ce soir à Marrakech de la 14e édition du Festival international du film. Une édition très réussie, affirme le vice-président de la Fondation du Festival. La Russie menace de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis à la suite d'un vote du Congrès autorisant la livraison d'armes à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Les chefs de la diplomatie des deux pays se rencontrent demain à Rome. 19h passées de 44 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et je rends tout de suite l'antenne à Hanan. Merci Ahmed Chirat et à tout à l'heure. Sans transition, on retrouve Hicham Lazrak pour la suite de la cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival international du film de Marrakech. À toi l'antenne Hicham. Merci Hanan et merci à Cheikh Atif. Bien sûr, vous avez quand même raté quelques trois prix qui ont été remis entre-temps pendant le journal de chaîne Inter. On a eu bien sûr le prix d'interprétation masculine qui est revenu au jeune acteur suisse. Il s'appelle Benjamin Lutzke. Il a joué dans le film en compétition Schrieg, le film suisse réalisé par Simon Jacquenet. Autre prix qui a été remis, c'est celui de l'interprétation féminine. Caroline qui est revenue, à l'actrice française Clotilde Esmé qui joue dans le film Last Hammer Blow, ou si vous préférez le dernier coup de marteau, réalisé par Alix Delaporte. Et le prix du meilleur réalisateur est revenu au réalisateur hindi, monsieur Aditya Kikram Sengupta, pour son film Ashar Jawar Magé, qui a été bien sûr en compétition cette année. En tout cas, les trois prix d'interprétation masculine, féminine et le prix du réalisateur ont été remis pendant le journal de chaîne Inter. Là, on va tout de suite passer à un autre prix au Palais des Congrès. La cérémonie, bien sûr, est en cours et on va vous laisser vivre cette ambiance avec les intervenants qui sont sur scène et au pupitre du Palais des Congrès. Émir Kusturica, metteur en scène serbe. Alors, Madame la Présidente, quel est le prix du jury? Ah, vous voulez rajouter, sorry, pardon. C'est le cinéma. La magie du cinéma, c'est l'altérité, c'est l'amour des autres. The magic of movie is the love of alterity, the love of the alters, the love of you. Shukran. Pardon, merci beaucoup. Madame la Présidente, quel est le prix du jury? Alors, le prix du jury est attribué à Shriek de Simon Jacquemet. Voilà, donc déjà deux prix pour ce film, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc c'est le film qui a reçu le prix de l'interprétation masculine en la personne de Benjamin Lutzke. Shrig, film suisse qui participe à la compétition, vient de décrocher un deuxième prix, celui du prix du jury. En tout cas, on croise toujours les doigts pour le film marocain de Mohamed Mouftakir, l'orchestre des aveugles, parce qu'il y a encore l'étoile d'or. Et peut-être, pourquoi pas l'étoile d'or pour notre film marocain? On laisse le réalisateur s'exprimer. On one hand, I always want to win a prize, but then I also am very nervous. So when Benji won, I was very relaxed because I think we will not win another one. So I don't. Quelques petits problèmes quand même de réception. Donc là, on vous retransmet bien sûr la version FDM de ce qui se passe. Et bien sûr, avec la pluie, j'en profite pour le répéter encore une fois. Marrakech, il pleut des cordes, hein, croyez-moi. En tout cas, là, c'était le réalisateur suisse Simon Jacquemet qui, bien sûr, s'exprimait après avoir reçu le prix du jury, auquel, bien sûr, il ne s'attendait pas du tout. Et surtout qu'il ne s'attendait pas du tout à recevoir deux prix. Pour le moment, ce n'est pas fini. Shrig, film suisse en compétition cette année au Festival du film de Marrakech. Et là, il y a la traduction de ce qu'il dit, puisqu'il s'exprime en anglais. Je vous laisse encore une fois l'écouter. Great screenings and so thanks to the festival and to the jury and for inviting us and special thanks to Benjamin who is already not there anymore. And أتيتم من تغيير الحفاظات لهذا العالم الجميل من السينما والعروض، لذا أشكر لجنة التحكيم وأشكر كل الساهرين على الجمع، أيضا أشكر بنجامين على تمثيله في هذا الفيلم. Ne jamais oublier de remettre ses lacets, c'est très important. Ça, c'est vrai, parce que bon, on vous retransmet un petit peu ce qui se passe sur scène, c'est que le réalisateur vient de refaire ses lacets sur scène devant le public. On le comprend quand même. En tout cas, là, c'est la petite séance shooting photo pour les journalistes et les photographes qui sont en bas de la scène. Et on va passer, bien sûr, au prochain prix. En tout cas, quatre prix jusqu'à présent ont été décernés. Celui de l'interprétation masculine qui revient encore une fois au prix au film suisse. Le prix d'interprétation féminine qui revient à l'actrice française Clotilde Esmé dans le film Last Hammer Blow, ou Dernier coup de marteau, réalisé par Alix Delaporte. Et le prix du meilleur réalisateur est revenu au réalisateur du film Hindi qui participe à la compétition de cette 14e édition du film de Marrakech. Et enfin, un quatrième prix qui vient d'être remis. Encore une fois, ça en fait deux pour le film suisse, puisqu'il a réussi à avoir encore une fois le prix du jury en plus du prix de l'interprétation masculine. Encore quelques minutes à vivre ensemble en direct de Marrakech pour cette cérémonie de clôture. Et je rappelle que nous avons encore du pain sur la planche, hein, parce que nous n'avons pas encore diffusé les impressions de Khadija Alami, hein, qui a été honorée par le festival, mais priorité bien sûr au palmarès, le palmarès qui nous intéresse. Encore une fois, on croise les doigts pour le film marocain, la suite de la cérémonie sur chaîne Inter. حان الآن وقت تسليم جائزة النجمة الذهبية الجائزة الكبرى للمهرجان. Monsieur Dupert, c'est donc à vous maintenant qu'il revient de dévoiler l'étoile d'or. Moment fatidique, Isabelle Huppert qui se dirige vers le pupitre de la scène pour nous annoncer le grand gagnant, le big winner de cette 14e édition. L'image n'est pas une quelconque idée exprimée par le réalisateur, mais tout un monde miroité dans une photo. André Tarkovski. Donc, Madame la Présidente, le lauréat de l'étoile d'or est... Alors, l'étoile d'or est attribuée à Ivan Verdovsky pour son film Correction Class. Voilà. Donc, on l'a quand même... Ivan Verdovsky, voilà. Qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais il a tenu à nous envoyer un message vidéo que nous allons découvrir ensemble. Dear Isabelle Huppert, I want to say thank you so much for this award. I'm very happy and it's very important for me. I'm deeply sorry for I couldn't be with you tonight because I'm shooting my new film in Moscow. I'm so sorry. I'm deeply honored by the invitation and award. I want to say thank you to Marita Toscana de Poitiers and Bruno Bart. And I want to say thank you to the American audience and the festival team and the jury. I want to say thank you so much. I hope coming very soon in Marrakesh with my new film From Frozen Moscow with Love. Thank you so much. C'est vrai qu'il fait meilleur à Marrakech, on doit aussi beaucoup à vous. Merci infiniment. J'ai demandé à la présidente Isabelle Huppert et aux membres du jury de bien vouloir venir sur le devant de la scène et à tous les lauréats de nous rejoindre pour la photo finale. Ça, c'est les lauréats qui vont donc les voici de la cérémonie de clôture de cette 14e édition. Et comme vous l'avez bien sûr vécu sur les ondes de chaîne Inter, c'est le film germano-russe Correction Class qui a remporté l'étoile d'or. Donc une réalisation signée Ivan Tver. Verdovsky, c'est lui qui remporte le grand prix cette année à la 14e édition du Festival du film de Marrakech. En tout cas, on fait un petit récap. La Suisse a remporté deux prix cette année, le prix de l'interprétation masculine et le prix du jury avec le film Schrieg. Il s'agit là d'un film suisse réalisé par Simon Jacquenet. Prix d'interprétation féminine, c'est la France qui l'a remporté avec l'actrice Clotilde Esmé. Et le récap. Le prix du meilleur réalisateur est revenu au film Hindi, bien sûr, qui est en compétition cette année. Et le grand prix, l'étoile d'or du Festival de Marrakech, est revenu au film germano-russe Correction Class. En tout cas, c'était super agréable de vous faire vivre l'ambiance de cette 14e édition de cette année au Festival de Marrakech. Un grand big up, bien sûr, à l'équipe qui nous accompagne cette année. Donc, il y a bien sûr Mr. Simouh Jaji, Hicham Aznkara, la maintenance. Et bien sûr, on remercie Mounir Lourdi, Abdelmounim, El Gnouni à la technique. Et n'oublions pas de remercier encore une fois un grand big up à Fatem Zahra Yassine qui a réalisé et qui s'est débrouillé, croyez-moi, pas mal avec la matière de ce festival. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous bien évidemment lundi, 15h-18h. On retrouve une tranche normale et une émission normale en direct du studio 3 Alifi Hafid, bien sûr, de la ville de Rabat. Et bien sûr, dans quelques instants, retour au studio 3 pour retrouver Hanan Haitami. Et bien sûr, on se dit à l'année prochaine pour un autre festival. À toi l'antenne et merci de nous avoir supporté. Ciao, ciao. Merci Hicham et merci à toi pour de nous avoir permis de vivre en direct ces moments forts de la cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival international du film de Marrakech. Merci encore une fois et merci à toute l'équipe qui t'accompagne, notamment Mounim Gnouni et Fatem Zahra Yassine. 19h54, dans 6 minutes, nous allons retrouver Ahmed Cheikh Atef pour le Flash Info de 20h. Et juste après, retrouver Ilham Shreigan pour l'Afrique. C'est magique jusqu'à 21h. Un autre rendez-vous à ne pas manquer à partir de 21h, c'est le Blablabla Plus avec Ali Hassan. Ali Hassan vous tiendra compagnie plutôt à 21h, pardon, je rectifie, à partir de 21h, c'est Amin Barhou qui prend le relais avec l'émission Night Fever jusqu'à minuit. Quant à Ali Hassan et le Blabla Plus, vous le retrouverez demain, Inch'Allah, dimanche, à partir de 21h. 19h55, notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à notre technicien Moutaki. Quant à moi, Hanani Tami, je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 6h pour Intermatin. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.